إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 51. Donc on est arrivé à notre cours dans sur le Thalath avec l'explication de Cheikh Zayd al-Madkhali dans son livre Tariq al-Wusul ila Idah al-Thalath al-Wusul. Il parle maintenant de l'explication du verset suivant, c'est-à-dire le verset 36 dans Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il cite ce verset comme preuve de ce qu'on a expliqué au dernier cours, c'est-à-dire que yani Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à chaque nation un messager pour appeler les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Donc le cheikh il dit, et la preuve de ce qu'on a mentionné par rapport au messager, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: nous avons certes envoyé dans chaque nation un messager disant à leur peuple: adorez Allah et écartez-vous du tagout, c'est-à-dire adorez Allah seul et écartez-vous du tagout. Et le tagout, comme on va l'expliquer, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit ensuite, après avoir mentionné ce verset, il dit: Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les serviteurs de renier et de rejeter le tagout et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc le cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah il explique et il dit: وقد بين الله عز وجل ذلك بيانا عاما في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل من أدوات العموم وكل من أدوات العموم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué de façon générale dans sa parole que dans chaque nation, comme il dit, nous avons suscité dans chaque nation un messager disant aux gens: adorez Allah et écartez-vous du tagout. Et quand on dit dans toute nation, eh bien le terme tout ou toute, c'est quelque chose qui fait partie des articles généraux, c'est-à-dire que ça implique toutes les nations sans exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nation sans exception, excepté qu'elle a reçu un messager auparavant qui le rappelait au tawhid. Et comme yani, c'est expliqué dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que parmi les messagers, il y en a au sujet desquels il nous a parlé dans la révélation, et il y en a d'autres au sujet desquels il ne nous a pas parlé. Donc à propos desquels il nous a parlé, on a des traces, on a des explications à leur sujet, tandis que ceux à propos desquels il n'a pas parlé dans le Coran ou dans les autres livres, eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas venus à leur peuple. D'accord? Mais ils ont tous eu quelque chose en commun, c'est-à-dire la base de la religion, l'appel au tawhid, l'appel à l'unicité d'Allah, d'adorer Allah seul, et de renier et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est-à-dire le tawhid. Le cheikh, il dit ensuite, non. Puis le cheikh, il va donner des exemples de qu'est-ce que ça signifie le tawhid. Puis tu vas voir qu'est-ce que ça implique. Ça implique pas seulement, ça implique beaucoup de choses. Donc, inshallah, tu vas pouvoir voir. Donc, le terme tawhid, il a plusieurs significations. Mais on va comprendre ici que ça s'applique en général, de façon générale, au shaitan et à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaykh, il dit, ثم بينا دعوة الرسل التي يبدأ بها قومه فقال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يأمرهم بعبادة الله وحده لأنه المستحق لذلك ويحذرهم من عبادة الطاغوت التي هي عبادة غير الله عز وجل أو عبادة غيره معه. Donc le cheikh il dit, puis il explique quel était l'appel des messagers et par quoi les messagers ont débuté leur appel lorsqu'ils sont venus à leur peuple. Alors il dit d'appeler les hommes à adorer Allah seul et de s'écarter du tawhid. Donc il leur ordonne d'adorer Allah seul. Et pourquoi il leur ordonne ou il leur demande d'adorer Allah seul? Parce qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Et il les avertit contre le fait d'adorer le tawhid. Et le cheikh explique que il les avertit contre le fait d'adorer le tawhid, qui est toute chose qui est adorée en dehors d'Allah. Donc le tawhid, c'est toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, ou toute chose qui est adorée en dehors d'Allah avec Allah, soit qui est adoré exclusivement en dehors d'Allah, ou bien qui est adoré en dehors d'Allah mais avec Allah en même temps. Parce qu'on a expliqué déjà dans les cours précédents que certains d'entre les mouchriquins, ils adorent uniquement autre que Allah, comme des idoles ou d'autres choses, tandis qu'il y en a d'autres qui adorent Allah et qui adorent d'autres avec lui en même temps. Et que dans les deux cas, c'était du shirk. Exactement. L'exemple de Quraysh à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient Allat, Wal-Uzza, Wa-Manat et beaucoup d'autres idoles. Ils avaient 365 idoles autour de la Kaaba, mais en même temps, ils reconnaissaient qu'Allah était le créateur. Ils adoraient Allah. Donc, la même chose avec le peuple d'Ibrahim, le prophète Ibrahim, son peuple adorait Allah, mais ils adoraient aussi d'autres avec lui. C'est pour ça que lorsque Ibrahim il est venu, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. C'est-à-dire, lorsque Abraham est venu, il a dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, parce que c'est lui qui me guidera. Donc ça veut dire qu'il adore, son peuple adorait Allah. Donc il s'est désavoué de tout ce qu'ils adoraient, excepté d'Allah. Tu vois? Et ça c'est la signification de la ilaha illallah. C'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Et que c'est uniquement Allah qui est vrai. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, وَهَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَتَتَنِبُ الطَّاغُوتِ هِيَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَلَا يَتِمُ تَوْحِيدُ عَبْدٍ وَإِيمَانُهُ حَتَّى يُضِيفْ إِلَى إِيمَانِهِ بِاللَّهِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ. وَلِذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى l'infisam alaha. Donc le cheikh il explique justement qu'est-ce que j'expliquais à propos de la parole d'Ibrahim alayhi salam, quand il a dit yani innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, c'est-à-dire je me désavoue de tout ce que vous adorez excepté de celui qui m'a créé. Donc il dit ici dans l'autre verset, dans le verset de surat An-Nahl, celui qu'on était en train de lire, أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. Il dit c'est la même chose. Adorez Allah et écartez-vous du taghout. C'est la même signification que la ilaha illallah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Et ici c'est أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. C'est comme si c'était inversé. Dans le sens que tu dois adorer Allah seul et t'écarter du taghout. اجتنب الطاغوت. C'est dans le sens de أن يعبد الله يعني إلا الله et اجتنب الطاغوت لا إله. C'est la signification de la ilaha illallah. Dans le sens que, comme le cheikh il explique, le tawhid d'un serviteur ou d'un être humain ne sera pas complet tant qu'il est ajouté à sa foi en Allah le fait de renier le taghout. Yani la ilaha illallah. Les ulama ils expliquent que la ilaha il est composé de deux parties, an-nafyu wal ithbat. An-nafyu c'est la négation la ilaha. Non, an-nafyu. La ilaha ça veut dire rien ne mérite d'être adoré. Et illallah al-ithbat, c'est-à-dire l'affirmation que yani c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. Donc dans cette parole an ya'budullah wa ijtanibu at-taghut, at-taghut ça représente al-ilah, al-aliha. OK? At-taghut ça représente al-aliha allati tu'badu min dunillah. Donc c'est comme si tu disais ijtanibu at-taghut, ça veut dire il y a rien qui doit être adoré en dehors d'Allah. Hadha huwa an-nafi. Wa an ya'budullah ça c'est l'affirmation, c'est-à-dire adorer Allah seul. D'accord? Donc c'est dans la même signification que la ilaha, qui est la négation, et de l'affirmation illallah. Et donc, pour que ton tawhid soit complet et valable, il faut qu'il y ait, yani, en plus de croire en Allah, la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Si tu dis, j'adore Allah, ça suffit pas. Si tu dis, j'adore Allah, je crois en Allah, ça suffit pas. Parce que tu n'as pas nié ce qui est adoré en dehors de lui. Hein? Tu n'as pas dit illallah. Et donc, si quelqu'un, par exemple, comme un chrétien, il dit, moi je dis, yani, que j'adore Allah et je crois que Allah existe. Ça c'est bien. Tu crois en Allah, c'est bien. Tu dis qu'Allah existe, c'est bien. Ça c'est l'affirmation. Mais tu n'as pas fait al-kufr bit-taghut. Tu n'as pas nié le taghout. Et nier le taghout par rapport aux chrétiens, ce serait de dire que Jésus ne mérite pas d'être adoré. Et Marie, elle ne mérite pas d'être adorée. Et les saints, et les images, et les statues, et les croix, et les idoles ne méritent pas d'être adorés. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah seul, le Créateur. Donc, si tu as fait al-iman billah, mais que tu n'as pas fait al-kufr bit-taghut, tu n'es pas un mu'min. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que les ulama, ils disent, il n'y a pas de foi sans kufr. Il n'y a pas d'iman sans kufr. Et ça, c'est... Hein, si tu le dis comme ça, ça fait bizarre. Mais quand tu l'expliques, après, ça fait du sens. Dans le sens que quand tu dis, il n'y a pas d'iman, il n'y a pas de foi sans kufr, c'est-à-dire sans mécréance. Il n'y a pas de foi sans mécréance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour croire en Allah, il faut rejeter et mécroire en ce qui est adoré en dehors de lui. Si tu n'as pas fait le kufr bit-taghut, tu n'as pas cru en Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc, le cheikh, il mentionne un autre verset dans Surat al-Baqarah, le verset 256, dans lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, dit. Et ça prouve encore qu'est-ce qu'on vient de mentionner. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. C'est-à-dire celui qui s'est accroché, c'est-à-dire qui a renié le taghout et qui a cru en Allah, il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Donc, il n'a pas seulement cru en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala même a commencé par le fait de renier le Tawhid. Donc, Al-Kufr, même des fois, ça vient avant la foi. Le fait de renier le Tawhid, ça vient avant de croire, d'affirmer la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu constates que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est batil, c'est faux. Puis après, tu réalises que c'est Allah seul qui mérite cette adoration-là. Donc, tu n'adores que lui. Par la suite, tu n'adores rien d'autre que lui. Hein? Et ça, c'est le tawhid. C'est ça, la réalité du tawhid. Et tous les messagers d'Allah que Allah a envoyés à différents peuples, ils ont tous débuté leur da'wa par cette façon, par cet appel d'appeler les hommes à l'adoration d'Allah seul et de renier le tawhid, c'est-à-dire en même temps de corriger la aqidah des gens et de renier dans leurs croyances précédentes tout ce qui était contraire au tawhid et à la foi en Allah. Donc lorsqu'ils arrivent à un peuple, ils commencent par cette base-là. Et ça vient montrer en même temps comment certains groupes ou certains individus à notre époque, lorsqu'ils parlent de l'islam et lorsqu'ils se présentent comme prêcheurs de l'islam aux différents peuples, pas seulement les non-musulmans, mais même aux musulmans, il faut qu'ils suivent l'exemple des prophètes d'Allah, alayhimu salatu wassalam. Exactement. Parce que ce sont pour nous les exemples et les modèles. Donc si toi tu veux être un da'ya, tu veux être un prêcheur, tu veux appeler à Allah, tu veux appeler les hommes à l'islam, tu dois débuter par ce que les messagers ont commencé, eux aussi. Et eux, ils ont commencé par quoi ? Par le tawhid, par le fait de renier le tawhid et d'affirmer la foi en Allah seul. Donc tous ceux qui sont parmi les groupes et les individus qui commencent par autre que le tawhid, c'est-à-dire qui commencent par des éléments autres qui ne sont pas fondamentaux par rapport au tawhid, eh bien ils sont dans l'erreur et dans l'égarement. Tu vois qu'il y a des prêcheurs ou il y a des groupes de da'wa qui se disent faire la da'wa. Quand ils prêchent aux gens, ils commencent par le bon comportement. Ils disent aux gens, il faut avoir le bon akhlaq, il faut avoir le bon comportement. Il y en a d'autres qui commencent par des questions sociales. Oh, il faut qu'il y ait l'égalité entre les hommes, il faut qu'il y ait il faut partager avec les pauvres, il faut qu'il n'y ait plus d'injustice. Donc, ils vont combattre les injustices dans la société. Naam. Comme ceux, par exemple, qui disent, ils commencent par la politique. Il faut changer le gouvernement. Il faut changer le dirigeant. Il faut appeler à la révolte et à la rébellion. Est-ce que c'est ça la da'wa des prophètes? Est-ce que les anbiya, les prophètes et les messagers, lorsqu'ils sont arrivés à leur peuple, première chose qu'ils ont dit, ah, ça y est, on a un mauvais dirigeant, maintenant on va changer? Non. Hein? Que ce soit n'importe quel prophète, Ibrahim, Moussa, Yusuf, Isa, tous les messagers d'Allah, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Mecca pendant 10 ans. Est-ce qu'il a dit, ah, la tribu de Quraysh, c'est eux qui sont au pouvoir maintenant, on va planifier une attaque pour les assassiner, puis on va changer le pouvoir, puis maintenant on va établir l'islam? Non. Même il y en a certains, j'ai entendu certains qui essayaient de mentionner l'exemple de Pharaon, du fait que c'était un dirigeant qui se prétendait même être Allah, et qui niait l'existence d'Allah, c'était un tawhid. Hein. Mais est-ce que Moussa alayhi salam a commencé avec le fait de dire « Ah, il faut enlever Pharaon du pouvoir puis prendre le pouvoir » Non, il l'a appelé au tawhid et à la foi en Allah. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, va vers Moussa, toi avec ton frère Haroun, allez le voir et dites-lui une bonne parole, une parole douce. Peut-être qu'il va accepter, peut-être qu'il va revenir, il va craindre son Seigneur, peut-être qu'il va croire en Allah. Et ils ont refusé. Alors, quand Allah leur a donné plein de signes pour constater que ils étaient sur la vérité, il a refusé de croire en tous les signes. Après, même les miracles qu'il a vus, Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, Eh bien, il a dit à Moussa, alayhi salam, fais sortir ton peuple. Fais sortir ton peuple. Alors, Pharaon a suivi le peuple de Moussa, alayhi salam, quand ils ont, et Moussa a frappé la mer rouge avec son bâton. La mer s'est ouverte, il a traversé, et Pharaon l'a suivi, et la mer s'est refermée sur lui. Donc, c'est pour dire, est-ce que Moussa, alayhi salam, il voulait le pouvoir en Égypte? Hein? La preuve, s'il aurait voulu le pouvoir après que yani, il a traversé la mer rouge, yani, Pharaon était mort, hein, et tout son armée qui était avec lui était engloutie dans l'eau. S'il voulait retourner en Égypte par la suite avec son peuple, pour prendre le pouvoir, il pouvait. Il n'y avait plus de dirigeants, il n'y avait plus d'armée. Donc il aurait pu retourner puis y prendre. Non, parce que c'était pas ça son objectif, c'était pas ça. Et son but, c'était pas ça, et c'était pas ça sa da'wa. Mais c'est juste pour dire que ceux qui se concentrent sur autre que le tawhid, c'est pas la da'wa des prophètes qu'ils font. Et la raison pour laquelle c'est pas la da'wa des prophètes qu'ils sont, c'est que le tawhid, c'est la base de la religion. Et qu'est-ce qui s'oppose au tawhid? C'est le shirk. Et si tu meurs avec du shirk, et en particulier si c'est du shirk majeur, si tu meurs dans le shirk, tu es garanti à l'enfer. Hein? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il dit dans un autre verset, wa man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Donc ça veut dire, si tu es dans le shirk, Allah t'interdit le paradis. Et il dit dans l'autre verset que Allah pardonne, il ne pardonne pas que quelqu'un commette le shirk, mais il pardonne à tout autre, il pardonne tout autre péché à qui il veut, sauf le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc ça veut dire, le shirk, il ne pardonne pas. Toi, tu meurs, tu as le bon akhlaq, tu fais la salat, tu fais le hajj, tu fais le jeûne, tu fais le tawaf, tu pratiques les cinq piliers de l'islam, sauf le premier. Hein? Et c'est le premier le plus important. Alors, est-ce que tes actions sont valables? Est-ce que tes actions sont acceptées? Est-ce que tu rentres au paradis? Non, parce que tu as commis le shirk. Et le premier pilier de l'islam, c'est la négation du shirk et l'affirmation de l'adoration d'Allah seul. Donc, si ton premier pilier il n'est pas là, les autres piliers ne sont pas valables. Donc, c'est pour ça que la première chose à laquelle tu dois appeler les gens, c'est au tawhid, pour que les piliers, tous leurs piliers soient acceptés. Hein? Donc, si tu as le tawhid et que tu fais ta salat, que tu fais ta zakat, que tu fais tes bonnes œuvres et que tu as d'autres péchés en dehors de ça, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te pardonner, il peut te pardonner, te faire entrer au paradis. Mais si par exemple quelqu'un, on va dire que il n'a même pas le premier pilier, il n'a pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, même s'il avait toutes les bonnes œuvres, tous les autres piliers, et qu'il s'écarte des péchés et qu'il fait pas et qu'il a un bon comportement et ainsi de suite, ses œuvres ne valent rien. Donc, d'appeler au tawhid, c'est plus important et c'est fondamental et c'est prioritaire par rapport aux autres éléments comme l'aspect social, l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect et ainsi de suite, et le comportement et autres. Barakallahu fik. Ça c'est une bonne question. Et qu'est-ce que tu dis? Est-ce que le tawhid, ça se renouvelle, ou bien c'est juste tu le dis la première fois puis ça suffit? T'as plus, c'est-à-dire, ça compte pour toujours. C'est-à-dire que le tawhid, si tu l'affirmes, hein, il faut toujours le renouveler et le redire. Pourquoi dans chaque prière, quand on fait l'adhan, on dit la ilaha illallah? Dans chaque salat qu'on fait, on dit la ilaha illallah dedans. Hein? Donc, c'est toujours pour qu'on le redise, mais des fois on le répète, mais on ne réfléchit pas à sa signification pendant qu'on le dit. C'est comme si on le répète comme machinalement, ça devient comme une habitude. On dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mais on oublie de penser à sa signification. Donc, c'est sûr que c'est toujours pour nous rappeler et pour renouveler notre tawhid, parce que on peut toujours faire une erreur dans le tawhid, on peut toujours faire une erreur dans notre aqidah à tout moment. Des fois, on peut dire une parole qui est shirk, des fois, on peut faire une action qui est shirk, hein? Et donc, on a besoin de revenir au tawhid à chaque fois pour effacer, hein, ces péchés-là et ces erreurs-là et ces fautes-là. Et c'est souvent une question que certaines personnes posent. Telle ou telle personne va poser la question. Dans les pays musulmans, il y a des gens qui font tel ou tel acte qui est shirk. Est-ce que ce sont des koufars ou non? Est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ces gens-là? S'ils font des actes de shirk ou des paroles de shirk, il faut les appeler au tawhid et à renouveler leur tawhid. Et les appeler à revenir à l'islam. Hein? Si quelqu'un est sorti de l'islam, il revient en renouvelant son tawhid. Mais là, s'il meurt sur le shirk, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Hein? Pour que ton tawhid reste toujours ferme et toujours solide, il faut toujours, comme les ulama disent, toujours reviser ton tawhid et étudier le tawhid et apprendre le tawhid. Et ils disent, même les ulama, de toujours. Bon, premièrement, quand tu lis le Coran, il y a toujours le tawhid dedans, le rappel du tawhid dedans. Donc, il n'y a pas une sourate à accepter qu'il y a du tawhid dedans. Donc, tu revises toujours le Coran. Aussi, tu relis les livres sur le tawhid, comme par exemple Kitab al-Tawhid de Muhammad ibn Abdul Wahhab et d'autres livres également qui affermissent l'aqidah du musulman. Et beaucoup d'autres livres aussi comme ça que tu les lis pour être sûr que tu connais et que tu comprends comme il faut ton tawhid. Mais c'est pas juste une connaissance théorique. Le tawhid, c'est pas juste des choses que tu apprends, que tu mémorises. Mais c'est quelque chose que tu dois vivre, hein, dans ton cœur, premièrement, dans ta foi, dans tes actions et dans tes paroles. Donc, c'est pour ça que c'est toute ta religion au complet. Non. Exactement. Quelqu'un peut dire « La ilaha illallah », mais s'il est en train de pratiquer le shirk tous les jours, hein, ça va pas être valable. Les juifs et les chrétiens, tous les jours, ils disent « La ilaha illallah ». Tu vois? Dans le sens que les chrétiens, tu lui demandes combien il y a de dieux, il va dire « Il y a un seul Dieu ». Tu demandes à un juif combien il y a de dieux, il va te dire « Il y a un seul Dieu ». Donc, c'est vrai qu'ils disent cette parole, comme même la même chose à l'époque de Quraysh, hein, les gens, ils disaient « Allah existe, il y a un créateur ». Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire « Allah ». Donc, ça c'est la preuve que de témoigner de la ilaha illallah, c'est pas seulement d'affirmer ar-rububiyya ou d'affirmer la foi en l'existence de Dieu ou le fait que de dire qu'il est unique ou qu'il est un. Mais c'est bien entendu de l'appliquer, ce tawhid, c'est-à-dire d'agir selon ce que ce témoignage-là signifie et implique, dans le sens que tu t'écartes de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et que tu n'adores que Allah seul. Donc, par exemple, si quelqu'un, il dit « La ilaha illallah » puis après il va se prosterner devant une tombe d'un homme pieux ou se prosterner devant une personne ou devant une image ou devant une croix quand il a un malheur, au lieu de demander l'aide d'Allah, il demande l'aide d'un cheikh ou d'un saint ou d'un wali ou d'un sayyid, hein, ou de quelqu'un qui quelconque. Donc, tu dis « La ilaha illallah » puis après tu le contredis en faisant qu'est-ce qui est shirk. Donc, ton témoignage de la ilaha illallah, même si tu dis la ilaha illallah du matin jusqu'au soir 1 million de fois, ça ne signifie rien parce que tu contredis sa signification par tes paroles et tes actions. C'est les paroles et les actions et la foi. Parce que la personne qui contredit le tawhid dans ses actions, si elle le contredit dans ses actions et dans ses paroles, c'est parce que dans son cœur, à la base, elle n'a pas compris la ilaha illallah et n'a pas appliqué le tawhid dans son cœur non plus. Parce que si elle est convaincue que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala le créateur, le pourvoyeur, le maître de toutes choses, celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle tout dans l'univers, et qu'elle est convaincue de ça, puis qu'après elle appelle pour demander l'aide d'un mort, qui n'a aucun contrôle sur quoi que ce soit, qui ne peut ni nuire ni profiter à quiconque, alors sa aqida, elle a un problème dedans. Soit qu'elle croit que ce mort-là, il a la connaissance du rêve, ou qu'il entend tout, ou bien qu'il sait tout, ou qu'il voit tout, et donc dans ce cas-là, il n'a pas appliqué son tawhid dans al-asma sifat et le tawhid d'ar-rububiyya. Donc elle contredit le tawhid sur tous les plans. Si elle contredit dans les actions et dans les paroles, c'est parce qu'elle a contredit dans la croyance aussi, quelque part. Hein? Donc c'est pour ça, c'est très très très important de bien comprendre ces principes-là et ces points-là. C'est comme quelqu'un, par exemple, il fait la salat tous les jours. Il fait la salat, mais quand il a un malheur, il demande à un cheikh ou à un saint. Donc, dans sa salat, il ne dit pas la ilaha illallah. Oui, c'est obligatoire, même dans le tashahud, tu dis, hein, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc tu dis, quand tu entends l'adhan, tu répètes avec le mu'adhin. Tu dis, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Tu répètes, puis après tu vas faire le shirk. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Tu dis le témoignage, mais tu ne l'appliques pas, tu contredis ce témoignage. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, il explique en détail la signification du tawhid ensuite. Il dit, قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. C'est-à-dire que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il cite la parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans un de ses livres, où il explique la signification du mot tawhid. Et il dit que le tawhid, c'est toute chose par laquelle le serviteur a dépassé sa limite. Et toute chose par laquelle il transgresse. Que ce soit par rapport à quelque chose qu'il adore, ou quelqu'un ou quelque chose qu'il suit, ou quelqu'un ou quelque chose qui l'obéit. Al-ma'boud, c'est qu'est-ce qui est adoré. Al-matbou', c'est qu'est-ce qui est suivi. Et al-muta', c'est qu'est-ce qui est obéi. Donc maintenant, on va expliquer la parole de Cheikh Zayd à ce sujet. Il dit, « Dhakara ibn al-Qayyim, rahimahullah, ma'na al-tahout. Wa qad ikhtalafa al-ulama, rahimahumullah, fi ma'na hadhihi al-kalima, fa minhum من يفسر الطاغوت بالشيطان ومنهم من يفسره بالساحر أو الكاهن وتفسير ابن القيم له أعم وأشمل حيث قال رحمه الله معنى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهذا يعتبر تجاوز بمعنى أنه ترك عبادة الله وتجاوزها إلى الحرام وإلى المحظور. Donc le cheikh il dit que la parole de l'imam Ibn al-Qayyim au sujet de la signification du tawhid, c'est une explication qui est plus large, hein, puisqu'il dit que la signification du tawhid c'est toute chose par laquelle le serviteur dépasse sa limite par rapport à ce qu'il adore, par rapport à ce qu'il suit ou par rapport à ce qu'il obéit. Il dit parce que les ulama ont divergé, les savants de l'islam ont divergé dans leur explication de cette parole ou de ce mot-là et de sa signification. Certains d'entre les savants ont expliqué le tawhid comme étant le shaitan. Le tawhid, je vais le redire, ok? Donc, il y en a des savants qui ont dit que le tawhid c'était le shaitan. Pourquoi? Parce que quand les gens font le shirk, c'est qui les pousse à faire le shirk? C'est le shaitan. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans un verset dans sourate Yasin, il dit « Alam a'had ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaitan wa innahu lakum aduun mubin wa ani'buduni » Hada siratul mustaqim. Donc ça veut dire, n'avais-je pas pris l'engagement avec vous, ô fils d'Adam, que vous n'alliez pas adorer le shaitan, et qu'il est pour vous certes un ennemi évident, et que vous deviez m'adorer moi seul, et c'est ça le droit chemin. Donc, dans ce verset, c'est comme les ulama ont expliqué que toute personne qui adore autre que Allah, en réalité, il adore le shaitan. Parce que c'est le shaitan qui appelle les hommes à adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala et qui les séduit pour tomber dans le shirk. Et ici, il explique donc que c'est ça. Les ulama, ils expliquent le tarot comme étant le shaitan. D'autres l'expliquent également comme étant les sorciers et les voyants, les diseurs de bonne aventure. Hein? Ceux qui prétendent connaître le rêve. À l'époque, et même encore aujourd'hui, Allah al-Musta'an, à l'époque où les gens prétendent être modernes, les rois et les dirigeants des différents peuples de mushrikin, ils avaient toujours parmi leurs conseillers un sorcier, un voyant, un magicien, un médium, quelqu'un qui prétend connaître le rêve. Et il lui demandait tout le temps, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais gagner cette bataille? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais avoir un enfant? Est-ce que je vais avoir un fils? Et ces sorciers profitaient bien entendu de ces gens-là, de ces dirigeants, oui. Comme l'exemple de Pharaon. Il avait avec lui plein de sorciers, de magiciens, des voyants, hein, et il retournait vers eux pour faire des trucs ou lui dévoiler des choses. Hein, ils pensaient qu'ils avaient un pouvoir de connaître le rêve ou des choses comme ça. As-sahir ou al-kahin, les sorciers, les magiciens ou les voyants, les médiums, les diseurs de bonne aventure, ainsi de suite. Donc ça, c'est différentes interprétations du tarot. Et l'imam Ibn al-Qayyim, lui, il l'explique d'une définition plus générale et plus complète. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, ça c'est l'élève de Ibn Taymiyyah, un des plus grands élèves de Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Ay na'am. Tilmizu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc lui, il a défini le tarot d'une façon plus générale et il a dit, c'est ce, toute chose par quoi le serviteur a transgressé et dépassé sa limite. Il y en a parmi les choses qu'il adore, ou qu'il suit, ou qu'il obéit. Les choses qu'il adore, qu'il suit, ou qu'il obéit. Et on va expliquer ça en détail encore par la suite. Toute chose par laquelle le serviteur a transgressé ou dépassé sa limite. Toute chose par laquelle le serviteur a dépassé sa limite. Que ce soit quelque chose qu'il adore, ou qu'il a suivi, ou qu'il a obéi. Oui, ça c'est très important. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui à notre époque, quand ils disent le mot tarot, et en particulier ce sont les takfiriyin, les khawarij à notre époque, eux quand ils disent le mot tarot, ils pensent que ça s'applique uniquement à un dirigeant qui fait de l'injustice. Ils pensent que ça s'applique juste à un dirigeant injuste, ils disent ça c'est un tarot. Ou bien si c'est au pluriel le terme tarot, le pluriel c'est tawarit. Tarotun tawarit. Donc, ils disent les dirigeants sont des tawarit. Ils utilisent cette parole ou ce terme pour essayer de déclarer les dirigeants kuffar par rapport au fait qu'ils disent qu'ils ne jugent pas selon la loi d'Allah. Mais on va expliquer par la suite qu'il y a des détails dans cette question-là. Oui, c'est ça. L'obéissance dans l'adoration, dans le suivi et dans l'obéissance. Al-ta'a, al-muta'a, ça veut dire qu'est-ce qui est obéi. Donc le cheikh, il dit ensuite, il dit ça signifie ou ça représente, ou ça veut dire, que la personne a abandonné l'adoration d'Allah et a dépassé sa limite vers ce qui est haram, vers ce qui est interdit. Et on va expliquer. Il dit min ma'boud min al-ma'budat al-batila ala ikhtilafi anwa'iha aw matbu'in yani da'a ila batilin fattaba'ahu an-nas ala batilihi sawa'an kana dhalika al-matbu' دعا إلى شرك أو إلى بدعة أو إلى فواحش وكبائر أو مطاع دعا الناس إلى الباطل فأطاعوه وكل هذه الأمور فيها تجاوز وخروج عن محيط الحق إلى الباطل. Donc le cheikh il dit, يعني toute chose par laquelle le serviteur a abandonné l'adoration d'Allah et il a transgressé vers ce qui est haram, que ce soit parmi les choses qu'il adore, c'est-à-dire parmi les fausses divinités, peu importe la forme ou la sorte que cela peut représenter, que ce soit par le fait qu'il adore une idole ou une statue, qu'on sait que c'est faux, hein, que même les koufars parfois, même eux aussi renient, hein, ils rejettent les idoles et les statues, mais également parmi les choses qui sont adorées, que certains peuvent penser parfois être meilleures que des idoles ou des statues, comme par exemple ceux qui adorent des prophètes ou qui adorent des anges. Ils disent, nous on n'adore pas des idoles, donc on n'est pas des mouchriquins. Parce qu'on n'adore pas des statues, on adore des prophètes, on adore des anges. Non, ça aussi c'est du shirk. Même si tu adores des prophètes et des anges, c'est quand même du shirk. Et même si tu adores quelque chose qui n'est pas visible, comme des fois il y en a qui adorent des esprits ou des djinns, on ne les voit pas, donc il n'y a pas d'image. Hein? Donc ils disent, ça c'est pas du shirk parce que c'est pas une statue ou c'est pas une image. Non. Même si c'est quelque chose qui est invisible, que tu l'adores, comme des anges, ou des djinns, ou des esprits, comme tu les appelles, dans ce cas-là, c'est quand même du shirk. Ou bien des images, ou bien des statues, ou bien des étoiles, le soleil, la lune, des arbres, des roches, des pierres, même des objets. Hein? Parfois, il y a des gens, ils croient en des objets. Et des pots de bonheur, des pierres, des trucs comme ça. La main de Fatima, comme ils l'appellent, avec l'œil au milieu, ils disent ça protège contre l'aïn, c'est-à-dire le mauvais œil. Exactement. Donc c'est vrai, dans certains pays musulmans, que ce soit dans le Maghreb et ailleurs, elles portent toutes un pendentif dans leur cou, avec une main en or, avec un œil au milieu, et ils pensent que ça c'est quelque chose qui protège du rail, de al-ayn, le mauvais œil, et ça c'est du shirk de croire ça. Hada shirk kadhalik. Il y en a quelqu'un par exemple qui va porter dans son cou un pendentif en or ou en argent avec un verset de Coran écrit dessus et qui pense que en portant cet objet qu'il est protégé, qu'il est protégé de quelque chose, soit du sihr ou du ayn. Et ça, c'est du shirk aussi. Ça, c'est du shirk. Parce que le pendentif ne peut pas te protéger contre le haïn ou contre le mal ou contre le sihr. C'est Allah seulement qui peut te protéger. Et le matériel en or lui-même, il n'a aucun pouvoir. Et les ulama, ils ont expliqué à ce sujet que si quelqu'un, par exemple, il porte cet objet ou ce truc dans son cou et il pense que cet objet par lui-même a le pouvoir de protéger, en dehors d'Allah, ça c'est shirk akbar, mukhrij min al-islam. Et celui qui porte ça, il sort de l'islam, parce qu'il croit qu'un objet dans l'univers a un pouvoir en dehors d'Allah et peut ramener un bien ou repousser un mal. Donc c'est comme s'il avait établi avec Allah un égal. Donc ça c'est du shirk akbar. Naam. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui le portent, mais ils ne croient pas qu'il peut protéger indépendamment d'Allah. Ils disent qu'il protège, mais par la permission d'Allah. Et dans ce cas-là, ça c'est shirk asrar. Les ulama disent dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Si c'est une façon de masquer, dans ce cas-là, comme les ulama disent, si quelqu'un dit ça, ça protège, mais par la permission d'Allah, c'est pas indépendamment d'Allah. Dans ce cas-là, c'est shirk, mais ça fait pas sortir de l'islam. Mais c'est quand même un des plus grands péchés parmi les péchés. Et sinon, il y en a qui disent non, je le porte pas pour ni un ni l'autre. Je le porte juste comme ça, pour une mode ou pour décoration. Et ça, c'est ça rentre dans ce qui est haram aussi, parce que c'est de ressembler à qu'est-ce qui est fait par les kuffars et les mushrikin. Ça se passe comme ça. Bien, exactement. Dans tous les cas, c'est grave. Et quelqu'un devrait s'en écarter de toutes les façons. Du moment que tu sais que quelque chose est shirk, tu ne dois pas commencer à te poser la question, est-ce que c'est shirk asrar ou akbar ou asrar? Comme si je te dis, ça c'est shirk asrar. Ah ok, donc c'est pas grave. Non, a'udhu billah. Du moment que c'est shirk, tu t'en écartes. Hein? Et c'est pour ça que parfois les ulama, quand ils expliquent ces questions-là, ils ne disent pas shirk akbar ou asrar. Ils disent shirk direct. Comme ça, tu sais que c'est mauvais. Mais quand tu parles avec des étudiants, des gens qui veulent apprendre les détails, qui veulent comprendre la religion en profondeur et avec compréhension, les machaires et les professeurs, ils expliquent les détails. Dans ce cas-là, ça c'est Cheikh Asrar. Dans ce cas-là, ça c'est Cheikh Akbar. Et ainsi de suite. Comme ça, la personne ne va pas tomber dans l'extrémisme de faire sortir de l'islam des gens alors qu'ils ne sont pas nécessairement en dehors de l'islam. Parce qu'à notre époque, il y a beaucoup de gens comme ça, parce qu'ils sont ignorants. Ils vont voir quelqu'un avec une main dans son cou, automatiquement ils disent « Ah, ça c'est un kafir, un mushrik, il porte ça dans son cou. » Et ils lui font le takfir. Alors que peut-être la personne, elle ne le porte pas dans cette intention-là. C'est-à-dire que en tant que musulmans, nous on est des musulmans, donc notre devoir c'est de donner la nasiha. Si tu vois un musulman ou une musulmane qui fait quelque chose comme ça, ta responsabilité, ton devoir en tant que musulman, c'est que tu dois faire le rappel et que tu dois avertir cette personne que ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, que ça c'est quelque chose qui est interdit et qui est shirk. C'est-à-dire que ça dépend de la situation. Si tu es capable de... Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte de... Est-ce que tu... Parce que des fois, c'est dans un moment où tu peux pas rentrer dans les détails. Parce que l'endroit n'est pas propice et le moment n'est pas le meilleur moment. Donc, tu peux pas élaborer. Chacun fait selon son niveau de capacité. Si tu peux, par exemple, expliquer, même si tu n'es pas un savant, mais que tu as compris cette question-là et que tu connais les adillas, tu connais les preuves, tu les as mémorisés et tu les as compris avec l'explication et que tu sais comment montrer à quelqu'un que telle affaire, ça c'est shirk et que tu peux lui donner les preuves à ce sujet-là, dans ce cas-là, tu lui expliques et tu lui donnes les preuves. Sinon, si tu ne sais pas les détails et les preuves, tu peux juste mettre en garde la personne de façon générale. Tu dis, ce que tu portes dans ton cou, ça c'est très dangereux, c'est haram et ça peut même rentrer dans le shirk. Et je te conseille de faire attention puis d'éviter ça. C'est tout. Et puis c'est tout. Tu vois, sans rentrer dans les détails. Ou sinon, si tu as la possibilité, comme par exemple si tu as une brochure ou un livre ou un audio à ce sujet, tu peux dire à la personne, voici par exemple qu'est-ce que les ulama ont dit sur ça. Et surtout à notre époque, avec les téléphones, maintenant tu vas aller sur YouTube ou sur Google, tu vas taper par exemple qu'est-ce que les ulama ont dit sur telle chose et te sortent les paroles et les fatwas des ulama sur ça. Donc tu vas trouver la parole par exemple Cheikh Ben Baz qui parle des tamaim ou des choses comme ça. Donc tu vas tu vas chercher la fatwa de Cheikh Ben Baz, tu la mets, tu le fais entendre à la personne. Regarde Cheikh Ben Baz, qu'est-ce qu'il dit sur ça. Et la personne, elle est là, elle écoute. Si elle comprend l'arabe, elle va comprendre. Si elle ne comprend pas l'arabe, tu vas lui traduire. Si tu es capable de traduire, tu lui expliques. À notre époque, il y a tous les moyens. Même avant, il y avait des cassettes. Maintenant, même plus besoin de cassettes. Les cassettes sont dans ton téléphone, dans l'internet. Hein? Tu peux le faire entendre à la personne. Donc, c'est très, très... Hey, Naam, t'as pas d'excuses. Hey, Naam. Donc, c'est juste la question de bien se préparer. Hein, si tu vois la personne qui... si tu vois par la suite la personne, elle savait pas, tu lui expliques. Si tu vois la personne, elle veut débattre, hein, tu la laisses. Moi, je suis allé dans des restaurants, plusieurs fois des restaurants... qui sont tenus par des musulmans et ils vendent la viande halal. Ils disent la viande halal. Mais quand tu vois à l'intérieur des yeux, des mains, des trucs de Fatima partout, Il te dit, ya, ya, khimen. Il te dit, subhanallah, ça c'est shirk. Cet objet ne peut pas vous protéger contre le haine ou rien d'autre. Même une fois, j'étais à Paris, yani, je suis rentré dans un restaurant pour manger quelque chose. Et juste quand j'allais pour sortir, je vois en haut de la porte un carré, comme, comment je pourrais dire, c'est pas un carré, c'est comme un genre de quadrillé, comme ça. C'est comme neuf carreaux, tu vois. Puis dans chaque carreau, il y a des chiffres. C'est écrit des chiffres et tout. Et ça, c'est comme pour eux, c'est comme un genre de hezr. C'est comme la même chose que les amulettes, sauf que ils écrivent pas les. Eux, ils croient que les chiffres représentent des versets dans le Coran ou des mots en arabe. Donc ils mettent ça pour comme un genre de, il y a ta'wiz, comme un genre de protection contre le sihr ou des choses comme ça. C'est comme un talisman en fait, pour le bénir ou le protéger contre le mauvais œil ou des choses comme ça. C'est ça. Toi, tu savais pas, c'est ça. Non. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans, ils croient dans ces choses-là, ils savent pas. Exact. C'est grave. Donc, c'est plus Allah qui donne le risque, mais c'est les morceaux de papier avec des chiffres dessus. Donc tout ça, c'est des exemples qui montrent le danger du shirk. Hein? Et. Ouais, ben c'est surtout comme tu dis là, les trucs qu'ils ont mis dans les commerces des juifs. C'est, si tu vois dans les portes, dans la porte, ils mettent toujours un truc en plastique. Et à l'intérieur de ce truc, il y a un morceau de papier avec les 10 commandements écrits dedans. Et quand ils rentrent, ils touchent à ça, puis ils l'embrassent et puis ils rentrent. Mais en fait, eux, ils pensent que peut-être ça donne une bénédiction ou quelque chose comme ça, alors qu'à la base, c'était fait pour, à l'origine, c'était fait pour rappeler aux gens de respecter les commandements de Dieu, tu vois, de pas désobéir à Allah. Maintenant, c'est devenu peut-être même quelque chose, ils font du shirk avec. Donc, ça, c'est un exemple. Puis, c'est pour dire comme le fait que, toutes ces choses-là, c'est des exemples de choses qui opposent le tawhid. Ça rentre dans l'adoration du tarout. Il faut faire attention à ces choses-là. Donc, ça, c'est par rapport à qu'est-ce qui est ma'boud en dehors d'Allah, qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ensuite, min matbou'in. Matbou', c'est-à-dire toute chose qui est suivie dans qu'est-ce qui est faux. Si quelqu'un il appelle à qu'est-ce qui est faux et que les gens le suivent dans le faux, peu importe que ce soit quelque chose que cette personne-là qui est suivie appelle que c'est du shirk, ou il appelle à une bid'a, ou il appelle à des turpitudes ou à des grands péchés, dans tous les cas, ça rentre dans la définition du tarout. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, il appelle au shirk. Il dit aux gens de le suivre dans le shirk. Ça, c'est un tarout. Ou bien, il appelle les gens à faire des bid'ahs. Il rentre aussi dans le sens du tarout. Ou il appelle à faire des grands péchés. À boire de l'alcool, ou à fumer la cigarette, ou à faire d'autres choses comme ça. Il rentre dans la signification du tarout. Et ça, en même temps, ça clarifie le sens que ça ne veut pas dire que le fait que quelque chose ou quelqu'un soit appelé tarout, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est kafir. Parce que si la personne appelle à qu'est-ce qui est péché, ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Tu vois? À moins qu'il le rend halal. Si quelqu'un appelle au shirk, akbar, ça c'est clair que c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Ça c'est que celui qui fait ça, il est kafir. Mais si quelqu'un, par exemple, il appelle à un péché, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement kafir, parce que le péché c'est pas kufr, ça ne fait pas sortir de l'islam nécessairement. Qu'est-ce qui fait sortir de l'islam? C'est de le rendre halal. Donc le fait qu'on dise par exemple, certains vont dire tel dirigeant c'est un tarout, pourquoi? Parce que par exemple il ordonne de faire quelques péchés, Hein? Et donc il se base là-dessus pour faire le takfir. Le fait qu'il a ordonné de faire un péché, ça ne veut pas dire qu'il est kafir, tu vois. Mais ça veut dire que, et même si tu veux dire qu'il est un tarot en faisant ça, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est kafir. Ça ne veut pas dire de faire son takfir. Non, c'est normal. Il y a, c'est-à-dire, dans le sens, quand je dis c'est normal, c'est-à-dire c'est clair qu'il y a des gens qui, même s'ils savent que c'est pas bon, même il y a des médecins, hein, des médecins qui savent que c'est mauvais de fumer, ils ne sont pas musulmans, c'est des médecins chrétiens ou juifs ou athées, ils disent la fumée de cigarette c'est mauvais, fumer c'est pas bon, puis ils fument. Attends une minute. En fait, pour la cigarette, comme tu dis, il y en a qui savent que c'est mauvais et qui savent que c'est haram s'ils sont musulmans. Il y en a qui disent que c'est pas haram, ils disent que c'est makrouh, détestable. Hein? Et il y en a d'autres qui disent oui, c'est haram, on est d'accord. Mais ils fument quand même. Pourquoi? Parce que dans la cigarette, il y a une drogue qui s'appelle la nicotine. Et la nicotine, ça crée parfois une dépendance chez les gens. Donc une fois que la personne devient accro à cette drogue, il ne peut plus s'en passer. Il devient comme, c'est comme la cocaïne et les autres drogues, l'héroïne, cocaïne. La nicotine, disons, il y a des choses dedans, je ne sais pas moi, la composition chimique avec quoi c'est fait, je ne sais pas. Sauf que c'est clair qu'il y a une drogue dedans. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à s'en débarrasser. Même qu'à un moment donné, ils ont découvert que certaines compagnies de cigarettes avaient demandé à des scientifiques de faire en sorte que la cigarette devienne encore plus dépendante, crée une plus grande dépendance encore. Pourquoi ? Pour que les gens en achètent plus. L'industrie de la cigarette, c'est une industrie qui fait des milliards de dollars par année. Hein? Donc, il y a beaucoup de gens qui savent parmi les musulmans que c'est haram. Et il y en a beaucoup qui veulent cesser de fumer, mais ils ont de la difficulté. Soit parce qu'ils manquent de volonté, ou soit parce qu'ils suivent leur passion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des koufars pour ça. Ça, c'est des péchés. Maasi. Non, c'est-à-dire que les ulama d'Ahl al-Sunna, un des principes et des bases dans la aqidah et dans le manhaj des salaf et de la foi d'Ahl al-Sunna al-Jama'a, c'est qu'on n'a pas le droit de déclarer un musulman kafir pour un péché qu'il a commis. Tu vois? Parce que, tant que la personne ne l'a pas rendu halal, par la déclaration, c'est-à-dire le fait de dire, moi je dis que ça c'est halal, et qu'il le croit alors qu'on lui a montré les preuves, on a établi la preuve sur lui, alors on n'a pas le droit de dire à son sujet qu'il est kafir. Même si tu vois un musulman par exemple boire de l'alcool devant toi, tu n'as pas le droit de dire t'es kafir, toi t'es un kafir, parce que le fait de boire de l'alcool c'est un péché, hein? Oui, exactement. Si tu traites quelqu'un de kafir, ça peut revenir contre toi. Et tu lui donnes le conseil, tu lui dis, ah, ça c'est haram mon frère, taqillah, crée Allah, je te conseille d'arrêter ça parce que si tu continues à boire comme ça, non seulement tu vas avoir des péchés dans cette vie d'ici-bas, et non seulement tu risques de perdre beaucoup des bonnes choses pour toi, tu nuis à ta santé, tu nuis à ta famille, tu nuis à ton argent avec cet alcool, mais en plus de ça, tu risques d'avoir un châtiment dans l'au-delà. Hein? Et on sait que ceux qui boivent de l'alcool dans cette vie, ils ne boiront pas du vin du paradis. Hein? Tu vas te priver de ça. Donc, repens-toi, crée Allah, cesse de faire ce péché, hein? Reviens à l'obéissance d'Allah. Tu le rappelles. Hein? C'est pas, tu vas pas le dire, t'es un kafir parce que tu bois de l'alcool. A'ouzou billah. Donc ça, c'est les khawarij qui font ça. Khawarij, eux, ils disent, il boit de l'alcool, il est kafir. Parce qu'ils croient que le fait de le faire, c'est pas salable. Comme s'il dit, s'il l'a fait, ça dit qu'il croit que c'est halal. Non, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est la voix des gens de takfir et des khawarij. Donc, ça, c'est un point. Après, au moutar, c'est-à-dire toute personne qui obéit dans qu'est-ce qui est faux. Da'a al-nas ila al-batil fa ata'uhu. C'est-à-dire, il les appelle à qu'est-ce qui est faux et les gens l'obéissent dans le faux. Donc ça, ça rentre aussi dans qu'est-ce qui est tarout. Et c'est pour ça que même les ulama, ils disent que les lois des koufars qu'ils inventent eux-mêmes, ça rentre dans qu'est-ce qui est décrit comme étant un tarout. Comme par exemple, les lois des différents pays, que ce soit des pays musulmans ou non musulmans, mais que ce sont des lois qui opposent la loi d'Allah. Ça veut dire des lois qui rendent halal la fornication ou l'adultère, ou qui rendent halal l'alcool ou des choses comme ça, ça, ça rentre dans qu'est-ce qui est tarout aussi, parce que ça rend licite qu'est-ce qui est illicite. D'accord? Donc, ça, ça fait partie de qu'est-ce qui est obéi. Ou bien, si c'est un dirigeant, ou un juge, ou un roi, ou un individu qui juge par sa passion, ou par ses désirs, et que les gens l'obéissent là-dedans. Ou bien un sorcier, hein, ou une personne quelconque qui juge selon son propre opinion et les gens l'obéissent. Donc, le cheikh il dit كُلُّ هَذِهِ الْأُمُورِ فِيهَا تَجَاوُزٌ وَخُرُوجٌ عَنْ مُحِيطِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ. Donc, toutes ces choses, il y a dedans, qu'est-ce qui fait dépasser, transgresser et sortir les hommes de la limite de la vérité vers le faux. Ensuite, il dit le cheikh وَالطَّاغُوتُ يُجْمَعُ عَلَى طَوَارِيتِ وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ رُؤُوسُ الطَّوَارِيتِ أي أَئِمَّةُ الطَّوَارِيتِ وَقَادَتُهَا إِلَى النَّارِ. Donc le cheikh dit que le terme طَاغُوتُ ou le mot طَاغُوتُ, son pluriel c'est طَوَارِيتِ. Et l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné que les têtes des tawarites et les chefs des tawarites qui amènent les hommes au feu sont de 5. Il a mentionné le premier. Donc il dit At-tawarit kathirun, at-tawarit kathirun ru'usuhum khamsa. Iblis la'anahullah, awwaluhum iblis. Donc le premier, les tawarites sont nombreux et les têtes sont, leurs têtes sont 5. C'est-à-dire il y a 5 chefs ou 5 têtes parmi les différentes choses qui sont suivies ou obéies ou adorées en dehors d'Allah. La première c'est Iblis, la'anahullah, c'est-à-dire le diable, Shaitan. Donc le cheikh il explique. Il dit Iblis, la'anahullah, هو الذي أخرج الأبوين من الجنة. بالغرور والمكر والخديعة واشتهر بذلك وعرف به ونادى الله عز وجل المؤمنين أجمعين وحذرهم من اتباعه كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فهو يدعو إلى كل فحشاء وإلى كل منكر. Donc le cheikh il dit que Iblis c'est lui qui a fait sortir nos deux premiers parents du paradis par la ruse, par la ruse et la trahison et le mensonge. Il est devenu célèbre par ces moyens-là qu'il utilise. Le shaitan, il utilise beaucoup la ruse et les complots et la trahison. Ishtahara bidalek. Donc il est devenu célèbre pour ça. Et on l'a connu de cette façon-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé tous les croyants à faire attention, hein, de ne pas le suivre. Comme il mentionne dans le verset 21 dans sourate An-Nur, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, « Oh, vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du shaitan. Ne suivez pas les pas du shaitan, et quiconque suit les pas du shaitan, alors il leur donne, hein, la turpitude et le mal. » Il leur donne, yani, la turpitude et le mal. C'est-à-dire, « Al-fahsha ou al-munkar. » C'est-à-dire que celui qui suit les pas du shaitan, c'est sûr qu'il invite les hommes et il leur ordonne qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est Il y en a des laids comme les gros péchés. Après le Cheikh il dit: وَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَبَرَهُ وَقِصَّتَهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ يُعْلِنُ بَرَاءَتَهُ مِمَّنِ اتَّبَعَهُ. يعني من حيث قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Donc le Cheikh il dit, c'est surat Ibrahim le verset 22. Surat Ibrahim le verset 22. Dans ce verset, yani Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement la parole du shaitan, qu'est-ce qu'il va dire aux gens au jour de la résurrection. Yani qu'il se désavoue d'eux. Yani subhanallah. Hein? Donc le cheikh il a cité ce verset. Il se désavoue de ceux qui les a suivis au jour de la résurrection. Donc c'est vraiment le maître de la trahison et de l'hypocrisie. Donc il dit ce qui signifie: et quand tout sera accompli, le diable dira: certes Allah vous avait fait une promesse de vérité. Donc ça c'est qui dit ça? C'est le shaitan. Il dit aux gens: Allah vous avait fait une promesse de vérité. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Ça, c'est la preuve de quoi? C'est la preuve que c'est un menteur. Hein? Et qu'il fait des ruses. Il dit: je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, c'est-à-dire je vous ai invité, et que vous m'avez répondu. C'est-à-dire, je n'avais pas la capacité de vous forcer à faire un péché, ou de vous imposer à faire un péché. Le shaitan, la'anahullah, il n'est pas capable de venir prendre ta main, puis la forcer à prendre l'alcool, ou à prendre la cigarette, ou à faire l'adultère, ou des choses comme ça. Non, il ne peut pas te forcer, il ne peut pas te pousser, il ne peut pas te retenir de faire la salat avec sa force. Tu dis: non, je vais te tenir avec mes bras, puis je ne veux pas te laisser faire ça là. Non. Mais il te suggère. Il vient te donner des suggestions. Tu dis: mais pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas tel péché? Pourquoi tu ne fais pas telle chose? Ou quand tu veux faire le bien, il dit: mais pourquoi tu veux faire le bien? Fais pas le bien. Fais pas la salat. Fais pas la zakat. Fais pas le jeûne. Fais pas ça. Hein? Ouais, hein? Dors, repose-toi. Tu as besoin de repos. Hein? Des fois, il vient même en tant que conseiller, comme s'il veut du bien. Il te dit: hein? Ça, t'as besoin de repos. Ton corps est fatigué. Dors. Et tu sais qu'est-ce qu'il a dit même à Adam et à Hawa lorsqu'il les a ordonné de manger de l'arbre? Il a dit, il est venu, il a dit: je suis pour vous deux un conseiller honnête. Hein? La raison pour laquelle Allah vous a pas permis de manger de cet arbre, c'est parce que il voulait pas que vous deveniez des anges ou que vous deveniez ou que vous soyez éternel. Donc, il est venu en voulant dire: je suis un conseiller honnête et fiable pour vous. Donc, tout ça, c'est pour montrer comment il est rusé, hein, et comment il peut tromper facilement quelqu'un. Donc, il dit: je vous ai suggéré, je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Ne me faites pas de reproches, mais faites-en à vous-même. C'est-à-dire, ne me reprochez pas moi. Fala talumuni walumu anfusakum. Hein? Ne me blâmez pas moi, blâmez vous-même. Hein? C'est ça qu'il est en train de leur dire. Ma ana bi musrikhikum, hein? Je ne suis d'aucun secours pour vous. Wa ma antum bi musrikhiy, et vous ne m'êtes d'aucun secours. hein, au jour de la résurrection, je ne peux rien faire pour vous et vous ne pouvez rien faire pour moi. Lui, il a déjà accepté son sort. Depuis le début, il sait qu'il va en enfer. Donc, pour lui, ça ne change rien. Il dit, je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Hein? Donc, subhanallah, il s'est désavoué ce jour-là, il renie ceux qui ont fait du shirk avec lui. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Donc, ça, c'est pour dire qu'il y a des gens qui adorent le shaitan, qui suivent le shaitan, soit directement ou indirectement. C'est-à-dire, il y en a qui sont des satanistes, hein, qui adorent le diable direct, qui disent, ils le déclarent ouvertement, sans aucune honte ou gêne. Ils disent, nous on adore le diable et on a obéi au diable. Et il y en a d'autres, parmi les mouchriquins et les koufars, ils adorent le diable indirectement. C'est-à-dire qu'ils passent, ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah et adorent d'autres que Allah. Et en prenant des intermédiaires et des intercesseurs et en adorant des idoles ou d'autres choses que Allah, même quand ils adorent un prophète ou un ange, hein, ils adorent le shaitan. C'est Iblis qui fait ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'eux aussi sont des adorateurs du diable en même temps. Ils adorent le tarout. Naam, tu voulais dire quelque chose, Hassan? Oui. En fait, oui, c'est que les ulama, ils ont expliqué que le shaitan, il va avec les hommes de façon graduelle. Et il essaie toujours de les faire éloigner du bien le plus possible. Donc, par exemple, les koufars et les mouchriquins, étant donné qu'il les a déjà égarés, pour lui, c'est facile. Avec les koufars et les mouchriquins, il ne se fatigue pas. Parce qu'il les a déjà fait tomber dans le kouf et dans le shirk. Donc, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire sur eux. Mais pour les autres, qui sont des mouminines, des croyants, il a beaucoup de travail à faire. Parce que c'est des gens qui s'accrochent à la religion et à la foi. Donc, il essaie par tous les moyens de les faire tomber. Et il commence toujours par le plus grand péché, le shirk. Donc, il essaie de les faire tomber dans le shirk et dans le kufr. S'il réussit à faire ça, alors il est content, il est satisfait. Le reste est facile. S'il n'est pas capable de faire ça, il passe à d'autres choses. Par exemple, moindres que le kufr et le shirk. Il va les faire tomber dans des bid'ahs. Il va leur faire croire qu'ils sont en train de se rapprocher d'Allah alors qu'ils sont en train de faire des péchés et de désobéir à Allah dans les bid'ahs. Hein? Après, s'il n'est pas capable de les faire tomber dans les bid'ahs, il passe à Al-Kaba'ir, les grands péchés. Il essaie de les faire tomber dans ces grands péchés-là. Parce qu'il dit, je ne peux pas les faire faire les autres, mais je peux le faire tomber dans une kabira qui par la suite va le faire tomber dans d'autres choses plus grandes. Donc, il travaille là-dessus. S'il n'est pas capable de le faire tomber dans une kabira parmi les kaba'ir, il passe à quelque chose de moindre, des petits péchés, hein, pour te faire détourner, pour faire tomber par la suite dans les grands péchés, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire, comme le frère il a dit, il va, par exemple, il ne peut pas te faire arrêter de faire la salat, hein, mais il va te décourager de faire la salat en jama'a. Ou bien il ne peut pas te faire décourager de faire la salat en jama'a, mais il va te faire manquer takbirat al-ihram. Par exemple, le fait de venir dans la première rak'at, au moment où l'imam fait le takbir, le premier takbir, Allahu Akbar, toi tu reviens, tu arrives toujours au deuxième, au troisième, ou après que l'imam a déjà commencé. Donc, c'est des choses comme ça, tu vois. Ou, exactement. Des fois, il va pas t'empêcher de faire takbirat al-ihram, mais il va t'empêcher de faire nawafil. Les choses qui sont surérogatoires, hein? Ou bien il va t'éloigner des adhkars, ou il va t'éloigner de. Donc c'est toujours comme ça, Yann. Il essaie toujours de faire quelque chose pour que tu t'éloignes de qu'est-ce qui est bon pour toi. Donc il a toujours un espoir de t'égarer. Il perd jamais l'espoir, hein? Il désespère jamais de te faire tomber dans quelque chose d'égarement. Non, mais c'est-à-dire que. C'est-à-dire que ça dépend de la situation. Si tu l'as oublié, par exemple, une fois, par oubli, ou bien parce que tu étais occupé par rapport à d'autres choses, Yanni, ça, c'est quelque chose, Yanni, qui peut arriver à n'importe qui. Mais là, on parle de, yani, quand le shaitan, il essaie de te faire délaisser ça d'un seul coup. Si il veut t'égarer, il vient graduellement pour essayer de te faire délaisser quelque chose de bien que tu fais, ou de t'amener à faire quelque chose de mal que tu fais. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, khayr, yani, si je me souviens bien de la parole qu'il a dit, yani, khayrul a'mal adwamuhu. Yani, ou comme a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, khayrul a'mal ma dama wa in qal. C'est-à-dire, la meilleure action, ما داوم عليه ما دو يعني الذي تدوم يعني تفعله دائما وإن قل أي نعم. C'est-à-dire la meilleure action, c'est celle que tu fais avec constance et que tu continues à faire régulièrement et constamment, même si c'est quelque chose qui est peu, tu vois. Tandis que si tu fais une grosse action, hein, une fois puis après tu fais plus jamais, c'est peut-être bien sur le moment, mais après ça s'arrête tout de suite. Tandis que si tu fais quelque chose, c'est petit, mais tu le fais tout le temps jusqu'à ta mort, ça c'est la meilleure, hein, ça c'est meilleur, et Allah il aime mieux ça. Donc il faut prendre l'habitude de faire des bonnes choses comme ça. Donc le cheikh il dit ensuite, wa hadhihi براءة يعلنها في الوقت الذي لا يغني عن نفسه شيئا ولا يغني عن أتباعه كذلك شيئا من عذاب الله، حيث يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم أي لست بمنقذ لكم ولا مخرج لكم ولا مخرج لكم من النار ولستم بمنقذين لي من النار بل الكل فيها كما قال الله عز وجل إنا كل فيها إخبار عن الأتباع والمتبوعين إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. C'est-à-dire que ça c'est la parole de Iblis, le verset qu'on a lu tout à l'heure, 22 dans Sourate Ibrahim, c'est la parole de Iblis au moment où il ne pourra rien faire pour ses serviteurs ni pour lui-même, et il ne pourra pas protéger personne contre le châtiment d'Allah. Donc il va dire ma ana bi musrikhikum, c'est-à-dire je ne peux pas vous sauver, je ne peux pas vous faire sortir de l'enfer, et je ne peux pas me faire sortir moi-même de l'enfer, et vous ne pouvez pas me faire sortir non plus. Donc on est tous dedans, hein, c'est-à-dire on est tous dans l'enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inna kullum fiha. Il mentionne la parole des, il y en a du fait que les mouchriquins sont tous dedans, c'est-à-dire tous dans l'enfer. Ceux qui ont appelé et ceux qui ont suivi. Ceux qui ont appelé, les autres à les suivre, et ceux qui les ont suivis, ils sont tous ensemble dans l'enfer. Inna kullum fiha, inna Allah qad hakama bayna al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala a jugé entre les serviteurs. Donc ça c'est pour dire que yani, le fait qu'ils soient réunis avec eux au jour de la résurrection, yani, là ils vont voir son incapacité totale, qu'il ne peut rien faire pour eux et eux ne peuvent rien faire pour lui. Et ils vont être déçus eux-mêmes de l'avoir suivi, et ils vont être déçus de l'avoir suivi et de voir qu'il ne peut rien faire pour eux. Hein? Alors qu'eux ils s'imaginaient que lui il avait tant de pouvoir. Parce qu'il y a beaucoup de koufars et de mouchriquins, ils pensent que le diable c'est le dieu du mal et que Allah c'est le dieu du bien, alors que c'est pas le cas, hein? Le diable c'est une créature d'Allah et elle n'a pas de pouvoir et elle n'est pas une divinité, hein? elle n'est pas Dieu, elle ne peut pas avoir... c'est pas le rival de Dieu. Iblis, c'est pas le rival de Dieu comme certains qui s'imaginent que il y a une guerre. Les chrétiens, ils font toujours cette chose-là. Ils font même des dessins de ça. Ils disent il y a une guerre dans le monde, sur la terre, entre Dieu et le diable. Et ils pensent qu'il y a les anges de Dieu avec son armée d'anges. Il combat contre le diable qui lui a ses armées de démons. alors que la réalité c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Iblis, c'est une créature, c'est parmi les, il fait partie des djinns. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut le détruire en une seconde, même une fraction de seconde, il le détruit, hein, mais il lui a donné un délai. Il lui a donné un délai jusqu'à la résurrection. Et lui, pendant ce temps-là, il essaie, comme il a dit, et comme il a juré qu'il allait le faire, il essaie d'en amener le plus possible de gens avec lui en enfer. Donc lui, il sait lui-même, Iblis, il sait lui-même qu'il est yani, faible et impuissant et une pauvre, minable créature devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait ça. Et il n'a jamais prétendu yani, qu'il est Allah ou qu'il peut se comparer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il ne peut pas le prétendre, même s'il le fait, c'est un mensonge. Tu vois? Parce que il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, Iblis, il connaît Allah, tu vois? Il était rapproché de lui. Oui, c'est vrai. Il y a des hommes qui le disent, mais lui, il ne peut pas le dire. Même s'il va mentir des fois. Peut-être qu'il va mentir. C'est-à-dire qu'il était un des rapprochés d'Allah. Il était tellement rapproché d'Allah qu'il était parmi les anges. Hein? Il avait un degré auprès d'Allah. Non. C'est ça. Il existait avant Adam. C'est ça. Après, quand il a été orgueilleux, il a refusé de se soumettre à l'ordre d'Allah par orgueil et fierté. Eh bien, il est descendu, il est tombé maintenant. Donc, il sait que Allah lui a donné un délai. Il a demandé un délai, puis il lui a donné un délai jusqu'au jour de la résurrection. Donc, il dit, donc, le premier tarot, on a vu que c'était Iblis. Le deuxième tarot, c'est quoi? Man ubida wa huwa rad. C'est-à-dire celui qui a été adoré et qui est satisfait d'être adoré. Man ubida wa huwa radin. C'est-à-dire celui qui a été adoré par les gens et qui est satisfait et qui est content que les gens l'adorent. Si quelqu'un se fait adorer, par exemple, on va dire que toi, Yanni, les gens viennent te voir et ils se prosternent devant toi et ils t'adorent. Ils disent que tu es Dieu. Puis que toi tu leur dis, non, moi je suis pas Dieu, arrêtez de m'adorer, arrêtez de vous prosterner devant moi, hein, cessez de m'adorer. Dans ce cas-là, toi t'es pas un tarout, parce que tu n'as pas ordonné ça, comme Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, il est adoré par les chrétiens. Mais lui-même, il a dit aux gens, non, ne m'adorez pas, je ne suis pas Dieu, cessez de m'adorer. Donc il n'est pas un tarout. Ouais. Mais tu sais, dans les films, ils rajoutent des choses, des fois, tu vois. Les choses, là, il faut pas se baser sur les films pour connaître les choses qui ont rapport avec la religion, parce que des fois, dans les films, ils rajoutent des mensonges, ils rajoutent des choses, tu vois. C'est comme même le film Ar-Risala, le film de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de mensonges dedans. Il y a beaucoup de fausseté même. C'est pour ça que les ulama, ils ont même interdit de faire ce film. Le film Le Messager, oui. Les ulama ont interdit le film. Ceux qui ont permis le film, c'était les Shia en Iran, puis l'Azhar. Mais sinon, le comité des savants mondial, ils ont interdit que ce film-là soit fait. Mais c'est parce que les ulama, ils ont dit ça, c'est du mensonge en plus. Tu vas mettre des acteurs, il dit moi je suis Abu Bakr, moi je suis Omar, moi je suis ci, moi je suis ça. A'udhubillah. Même que ils ont mis Anthony Quinn, un kafir, pour jouer le rôle de Hamza. Et d'autres exemples comme ça. Donc ça c'est pour dire que ça c'est. Les ulama ils ont dit que à la base même le cinéma ou le théâtre c'est du mensonge. Tu vois, c'est pas vrai. Donc man ubida wa huwa rad wa min at-tawarit man ubida wa huwa rad abadahu an-nas wa talabu minhu ma la yutlabu illa min Allah min da'watin wa istighathatin wa raja'in wa jalbi maslahatin aw daf'i darrin mimma la yaqdiru alayhi illa Allah wa huwa radin wa qad ja'ala nafsahu ilahan fa huwa tagut. c'est-à-dire celui qui a été adoré et qui a été satisfait d'être adoré. Et donc il fait partie des tawarites parce qu'il est adoré par les gens. Les gens lui demandent ce que on demande que à Allah. Par exemple, de l'invocation, de l'appel au secours, de l'espoir de ramener un bienfait ou de repousser un mal, et des choses que seul Allah est capable de faire. Donc si quelqu'un, on agit comme ça avec lui et que lui il est satisfait de ça, alors c'est comme s'il s'était placé lui-même comme une divinité, comme un dieu, et donc il est un tarout dans ce cas-là. Le troisième, man da'a an-nas ila ibadati nafsihi. Man da'a an-nas ila ibadati nafsihi. C'est-à-dire celui qui a appelé les hommes à l'adorer, à adorer sa personne. Celui qui a appelé les hommes à adorer sa personne. Donc le cheikh il dit, man da'a an-nas, wa thalith, man da'a an-nas ila ibadati nafsihi, imma bilisan al-hal aw bilisan al-maqal. Ay, imma annahu qala lahum أنا أملك شيئا من جلب المنافع ودفع المضار وجلب الخير ودفع السوء وإغاثة الملهوف وتفريج الكروبات وإنجاب الولد وإضرار الرزق وما عليكم إلا أن يعني تقربوا القرابين وتوجهوا إلي بطلباتكم فهذا دعاء الناس إلى عبادتنا فهذا دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو أعظم جرما فهو أعظم جرما فيعتبر رأسا في دعوة الشيطان ومخالفة الرحمن. Donc le cheikh il dit si quelqu'un soit par la langue il appelle les gens ou par sa façon d'agir par son état ou par sa langue il dit aux gens, ou il agit comme si c'était le cas, c'est-à-dire il leur dit, j'ai le pouvoir de vous ramener du bien ou de repousser du mal de vous. Et je vous ramène du bien et je vous protège du mal. Et je vous exauce lorsque vous avez des demandes. Lorsque vous êtes dans les moments de détresse, je viens vous sauver. Et je vous sauve des malheurs que vous avez. Et je vous fais avoir des enfants. Et je vous ramène de la subsistance. Vous n'avez qu'à m'offrir des offrandes. Et je vais vous donner tout ce que vous me demandez. Celui qui appelle les gens à ça, il a appelé les gens à l'adorer. Et donc, il a commis le plus grand crime. Et il est considéré donc comme une tête. Dans le fait d'appeler à l'appel du shaitan et de contredire yani Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième parmi les têtes du tarot, c'est man idda'a shay'an min ilm al-ghayb, celui qui a prétendu posséder quelque chose de la connaissance de l'invisible ou de la connaissance de l'inconnu ou de l'avenir. Donc le cheikh il dit الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب. D'accord. من ادعى شيئا من علم الغيب بحيث يدعي بأنه يعلم ما في المستقبل أو يعلم مكان الضالة أو يعلم ما سيكون غدا أو في العام القادم أو في اللحظة القادمة فهو كاذب في ذلك كله وطاغوت من طواغيت الذين لعنهم الله وأخزاهم وجعلهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Donc le cheikh il dit le quatrième, c'est celui qui prétend posséder quelque chose de la science de l'invisible, du fait que il prétend qu'il connaît l'avenir ou qu'il connaît l'endroit où les objets perdus sont cachés, où il connaît ce qu'il va y arriver demain, où il sait ce qui va se produire l'année prochaine ou dans l'avenir ou dans un instant qui va arriver. Donc tout ça, le cheikh il dit, dans tout ça il a menti, et il est un tawarit parmi les tawarits que Allah a maudit et a humilié, et Allah a fait de lui une des têtes parmi ceux qui appellent à l'enfer, et au jour de la résurrection, il ne sera pas secouru. Tandis que le cinquième, c'est celui qui a jugé selon autre que la loi d'Allah, ou selon autre que ce que Allah a révélé. من حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذا معنى لا إله إلا الله. Donc le cinquième parmi les tawaghit, c'est le fait de juger, celui qui a jugé par autre que ce que Allah a révélé. Et la preuve de ça, c'est dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans Surat al-Baqarah, le verset 256, et il n'y a pas de contrainte en religion, la droiture, c'est distinguer complètement de la fausseté ou de la déviation. Donc celui qui renie le tarout et qui a cru en Allah, c'est certes accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas, et Allah est l'audient et l'omniscient. Et ça, c'est la signification de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc si tu renies le tarot, ça veut dire que en premier de tout, tu renies ces cinq choses là qu'on a mentionnées. Ça, si tu as renié ces cinq choses, donc tu as renié les têtes des tawarites, et bien entendu tu dois renier également tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, pas seulement ces cinq-là. En ce qui concerne le cinquième parmi les têtes, man hakama bi ghayri ma anzal Allah, ça on va le laisser pour le prochain cours, on va l'expliquer, parce que le cheikh il a donné une explication un peu plus détaillée à ce sujet-là. Donc on va faire comprendre en fait que parmi ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah, qui font partie des tawarites, il y a des degrés. Il y a des degrés. Ils ne sont pas tous au même degré. Ils ne sont pas tous koufars. Il y en a qui sont koufars, il y en a qui ne sont pas koufars. C'est-à-dire, il y en a une forme de kouf dans ça qui est kouf majeur, et il y en a d'autres qui est kouf mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam. Et souvent, les takfirines et les khawarij, ils se basent sur ça pour faire le takfir des dirigeants musulmans actuellement. Il se base sur ce point-là, mais il faut comprendre que c'est pas tout jugement par autre que la loi d'Allah ne veut pas nécessairement dire que ça fait automatiquement être kafir ou sortir de l'islam. Juste pour vous dire en même temps que le prochain cours sera le dernier cours dans ce livre, c'est-à-dire que au dernier cours sur ce livre-là, puisque on est arrivé à la fin du livre. Donc je vais juste faire la conclusion, puis après inchallah on pourra poser des questions inchallah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.